Radio Campus, l'ambassade de la République de Pocahou en France et le consulat de Pocahou à Toulouse présent. La voix du Pocahou pour le monde entier. Minutes de culture, science et art pocahoutien à travers de Radio Pocahou International. On transmet en 35 langues pour 45 pays totalement en direct depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 45 écureuils qui courent sans arrêt dans le palais royal du Maharaja du Pocahou. Bonjour mesdames, messieurs, soyez bienvenus. Vous êtes encore sur les 94 de la bande FM pour écouter une autre émission de la radio internationale de Pocahou. Je suis Mélissa Suarez del Real, totalement choquée pour une nouvelle qui a été connue ce matin à Pocahou, ou autrement dit, pendant la nuit française. Il paraît, mesdames, messieurs, selon Rufaldo Kikipo, le ministre des Affaires étrangères et depuis 3 ans, que depuis ce matin, l'ancien passeport pocahoutien, dont le peuple pocahoutien était tellement orgueilleux, va disparaître. Tout comme ça, tout de suite, parce que ce monsieur Rufaldo Kikipo va approuver une loi qui... Les gens ne sont pas trop d'accord. En fait, ce soir, une centaine de personnes se sont réunies devant le ministère pour y protester. Mais à 7h, le ministre est dans son cours d'origami, dont les demandes n'ont pas été écoutées encore. Il faudra attendre la réponse du ministre. Il faudra être bien attentif à la réponse du ministre. Voici un morceau de chanson que les manifestants sont en train d'entonner. Tchim, tchim, tchim. 3천만 잠들었을 때 우리는 깨어 내가는 사형제 울고 있던 날 손가락에 불면 맹세하면서 진리를 외치는 형제들이다 밝은 태양 Mais pourquoi se pose-t-il un problème en changeant le passeport d'un pays, se demanderont ailleurs. Bon, d'abord, il faudra expliquer, chers auditeurs et auditrices, que pendant plus de 60 ans, le gouvernement pocahoutien n'a pas voulu imprimer des passeports comme ailleurs. Tout à l'heure, les personnes qui voulaient voyager dans des pays étrangers n'avaient qu'à chanter l'hymne pocahoutien à l'arrivée dans son destin et au retour dans le Pocahou. Et ça, c'était la plus grande tâche des ambassadeurs ailleurs. C'était la tâche de convaincre les gouvernements étrangers d'accepter notre passeport en tant qu'un passeport chanté. L'hymne pocahoutien, d'abord, compte plus de 25 strophes que tous les enfants doivent connaître par cœur. D'ailleurs, la musique a été composée il y a 60 ans par Serge Elio, un musicien contemporain qui avait été fortement influencé par la musique atonale. Donc, très franchement, il n'y a pas une vraie mélodie dans notre hymne. Les enfants mettent plus de 2 ans pour pouvoir le mémoriser. D'ailleurs, l'hymne est considéré comme un document de haute sécurité. Donc, vous ne l'écouterez jamais sonner à la radio ou dans les matchs de football comme ailleurs. La connaissance de l'hymne reste comme la seule façon de s'identifier comme un vrai pocahoutien. Et voici un morceau qui, bien sûr, n'appartient pas à l'hymne, mais dont les paroles l'ont fortement influencé. Ce s'appelle « Jabula ». Thank you. shy twalaza Noma isqathaniyona shy gambos shama diva dance uzothola ujabule Un hymne qui est considéré comme patrimoine universel, le ministre des Affaires étrangères a décidé de le substituer par un passeport ordinaire, un papier et carton pour, selon lui, s'adapter au temps moderne. Toutefois, hier soir, une enquête pour réviser les liens entre Rufaldo Kikipo, le ministre, et l'usine nationale de papier a été ouverte. Il paraît qu'il y a des liaisons pas très très légales. Et peut-être l'initiative pour changer radicalement le passeport sera, à cause de ça, rejetée. Je suis Mélissa Suarez El Real, ravie de vous faire connaître l'actualité pour que je tienne. Je vous laisse avec un morceau classique composé par le master du Bugalú, Ray Barreto. Ce s'appelle El Watusi. Vous pouvez l'écouter dans le film I Call First de Martin Scorsese. Vous pouvez écouter tous les dimanches à 11h30 et les mardis à 17h la radio internationale de Pocahontas. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt. Caballero. Ay, acaba de entrar Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. Me diga que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a bajarnos. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo. Siete pies no. Tengo yo. A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatusi? Felipe. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como te me río en la cara, guapo. A correr. Bien. Nos bajamos, nos bajamos. Bien. Bien. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. A correr, caballero. Le vamos a pedir. Bien que se va a pagar con Guatú. Bien que se va a pagar con Guatú. No me des. Caballero, nadie se va a pagar con Guatú. ¿Qué? ¿Le tiene miedo a Guatusi? Siete pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. Radio Pocahontas conclut sa transmission pour aujourd'hui, mais continue la semaine prochaine.